la recherche contre le cancer continue à faire d'indéniables progrès, notamment dans le traitement des tumeurs résistantes. L'une des pistes les plus prometteuses en ce sens est sans conteste l'hadronthérapie. Il s'agit d'une forme alternative de radiothérapie qui utilise des noyaux atomiques comme des protons ou des ions carbone au lieu de photons de haute énergie. L'un des avantages certains, c'est une précision infiniment plus grande qui permet notamment de cibler des tumeurs résistantes ou sensibles lorsqu'elles sont à proximité d'organes vitaux. Mais un obstacle de taille demeure, son coût. Thérapie, l'oncologie à la vitesse de la lumière, c'est le problème dont nous allons nous saisir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ces nouvelles techniques de radiothérapie de pointe extrêmement prometteuses, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Balosso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiothérapeute, professeur à l'université de Grenoble, détaché à Caen, pour coordonner le programme Arcade dont vous nous parlerez tout à l'heure. Vous êtes également fondateur du projet France Hadron, dont vous faites également partie, Claire Rodriguez Lafrasse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et praticienne hospitalière en biochimie, biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lyon Sud. Vous pouvez nous suivre, eh bien, comme chaque jour, sur France Culture, en direct, en podcast, en différé, et sur le fil Twitter de l'émission. Nous allons mettre, comme tous les jours, un certain nombre d'articles, d'études, de schémas, pour vous aider à mieux comprendre ou aller un peu plus loin, en fonction de ce que nous allons dire tout au long de cette heure sur cette hadronthérapie. Il est certain que les radiations ionisantes, depuis qu'on les a découvertes, sont les mêmes, et qu'on n'a pas fait de progrès sensationnel, mais on a fait des progrès dans les méthodes d'utilisation, dans la multiplication de ces méthodes et dans l'amélioration des méthodes anciennes. Il est certain qu'à l'heure actuelle, par exemple, pour les cancers qui sont superficiels, nous pouvons les traiter très facilement avec des radiations ionisantes à faible kilovoltage, avec des distances peu importantes et avec des temps très courts. Pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, un cancer de la peau qui ne dépasse pas la surface, mettons, d'une pièce de 5 francs, peut être traité en quelques minutes avec un pourcentage de guérison qui est de l'ordre de au moins 95%. Par conséquent, on a fait des progrès importants dus à la commodité des techniques. Mais autrefois, avec des difficultés plus grandes, on pouvait également traiter par les radiations ionisantes ces cancers superficiels. La pièce de 5 francs a dû vous mettre la puce à l'oreille. Nous sommes non pas en 2018, mais il y a 50 ans, le 9 mars 1968. C'est un extrait d'Interactualité. Vous l'entendez, hein. Le médecin qui parle depuis qu'on a découvert les radiations ionisantes. Eh bien, ce sont les mêmes, à part quelques progrès techniques. Ce que nous allons dire aujourd'hui à Jacques Balosso, c'est précisément l'inverse. Alors effectivement, les rayons X représentent encore l'essentiel des moyens de la radiothérapie. Mais depuis longtemps quand même, bien que ce soit difficile à mettre en œuvre encore aujourd'hui, on utilise d'autres particules. Vous l'avez cité tout à l'heure, les protons, les noyaux d'atomes, qu'on appelle des ions, alors lourds ou légers selon qu'on soit physicien ou médecin. Et ces techniques de traitement, qui ont vu le jour il y a quand même une soixantaine d'années, commencent à se développer de manière beaucoup plus accessible aux patients, grâce à des progrès technologiques là aussi, très conséquents, dont on aura certainement à parler au cours de cette émission. Alors on peut peut-être revenir sur ce qu'est la radiothérapie est un traitement loco-régional, ça veut dire qu'il ne s'adresse qu'à la forme débutante des tumeurs lorsqu'elles ne se sont pas encore métastasées, ce qui est quand même 70% des cas des cancers découverts en France en tout cas. Et cette radiothérapie vise, grâce à des radiations ionisantes, les rayons X qui traversent l'organisme, tout le monde le sait, les radiographies sont faites grâce à eux, à des énergies plus faibles. Donc ces rayons X vont déposer dans les tissus et en particulier dans la tumeur, grâce à un feu croisé de faisceaux. Donc on peut déposer plus de doses dans la tumeur parce qu'on va l'atteindre par plusieurs faisceaux qui vont traverser une seule fois des tissus sains, mais à chaque fois la tumeur. Donc cette dose va modifier l'ADN des tumeurs en cassant cet ADN. On pourra peut-être détailler ça avec le professeur Rodriguez. Ces lésions de l'ADN pour leur immense majorité, vont être réparées par la cellule, mais pour un certain nombre, elles seront suffisamment graves pour que la cellule ne puisse pas les réparer et elle va cesser toute fonction de multiplication cellulaire et à terme être détruite par l'organisme, les globules blancs, les histiocytes. Ce n'est pas une explosion ou une destruction physique, c'est une modification biochimique et génétique qui va amener la cellule à stopper sa prolifération et à disparaître. Donc ça, c'est le principe de la radiothérapie. Ça, c'est le principe de la radiothérapie. Je vais me retourner vers vous, Claire Rodriguez. La phrase, c'est intéressant parce que dans cette archive, nous l'avons choisi aussi parce qu'on parle de la radiothérapie pour les cancers superficiels. Parce que lorsqu'on arrive au cancer profond, se pose un autre nombre de problèmes qui sont liés justement à la radiothérapie classique, celle avec les rayons X que vient d'évoquer Jacques Balosso. Oui, contrairement à ce qu'on a entendu dans le reportage, la radiothérapie ainsi que la radiobiologie, qui est mon domaine de recherche, sont en perpétuelle évolution, puisque l'objectif c'est d'augmenter la dose à la tumeur tout en épargnant les tissus sains. Donc c'est vraiment la problématique actuelle. Et en particulier, ces hadrons vont pouvoir répondre à cette question. Donc si on s'intéresse à leur dépôt de dose physique, quand on s'intéresse à la radiothérapie conventionnelle qui envoie des photons sur les tumeurs... Les photons, ce sont donc les particules de lumière qui n'ont pas de masse, ce sont les rayonnements X dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Donc si on s'intéresse à une tumeur en profondeur, le dépôt d'énergie des photons se fait depuis la peau et il décroît très peu jusqu'à la tumeur. Donc il y a ce qui veut dire qu'on a une dose dans les tissus d'entrée et dans les tissus de sortie. Alors que quand on s'intéresse aux hadrons, comme les protons ou comme les ions carbone, donc au départ, ils ont beaucoup d'énergie et donc ils traversent très rapidement les tissus sans déposer de dose. Et par contre, donc en fin de leur parcours, ils sont très ralentis. C'est ce qu'on appelle le pic de Bragg. Donc ce qui épargne le tissu sain avant et après. Et alors si on veut traiter une tumeur, parce qu'un seul pic de Bragg ne va pas couvrir la tumeur, on module le faisceau, l'intensité du faisceau, et on va superposer un nombre de pics de Bragg consécutifs de façon à avoir ce qu'on appelle un pic de Bragg étalé. Donc ça va être la grande différence entre la radiothérapie conventionnelle et l'hadronthérapie. Alors on va réexpliquer un peu cette notion de pic de Bragg, parce que dit comme ça, ça a l'air un peu austère, c'est de la physique des particules finalement. Jacques Balosso, peut-être avant de revenir exactement là-dessus et sur ces mécanismes de l'hadronthérapie, dire un mot, parce que on a l'impression que c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une technique très récente qui a été rendue possible par les progrès techniques, par la miniaturisation notamment des accélérateurs de particules, mais ça a été théorisé très très tôt, dès la moitié du XXe siècle. Tout à fait, oui, c'est Robert Wilson qui, en 1946, si ma mémoire est bonne, étudiant la distribution de doses dans la matière, il ne s'agissait pas de matière vivante, a découvert ce fameux pic de Bragg, et il s'est dit, mais voilà la solution à cette radiothérapie qui irradie de part en part le patient. Donc vous voyez qu'entre l'idée du physicien et la mise en place des traitements par le médecin, il s'est là pour le coup écoulé des décennies, alors qu'on peut aussi rappeler que quand les rayons X ont été découverts, l'année suivante, on les a appliqués à des tumeurs. Donc ça montre aussi qu'en changeant de siècle, la mise en place d'une technique est beaucoup plus longue, car plus sophistiquée, nécessitant d'avoir un environnement de sécurité et l'accessibilité à tout le monde aussi. Je veux dire, ça c'est aussi un des éléments cruciaux de la compréhension dans nos pays développés et en particulier la France. Il faut qu'une technique nouvelle soit accessible à tout le monde, ce qui parfois en ralentit le déploiement. On peut peut-être aussi repréciser, on parle d'hadronthérapie, redéfinir, Claire Rodriguez Lafrasse, ce que c'est qu'un hadron, la différence fondamentale en physique entre des hadrons, parce qu'il n'y en a pas qu'un, et les photons qui sont utilisés donc comme les rayons X. Effectivement, on comprend que les rayons X, ça nous traverse, puisque ça marche, comme le disait tout à l'heure Jacques Balosso, pour faire de la radiographie, ça nous traverse. Mais puisque les hadrons, c'est de la matière, comment est-ce que ça nous traverse? Alors un hadron, c'est une particule qui est formée de quarks et d'antiquarks. Et donc, cela peut être un proton, un neutron ou des noyaux d'atomes qui ont un numéro atomique faible. Donc, par exemple, le carbone, mais on aurait pu imaginer l'azote, l'oxygène, qui sont potentiellement à l'étude. Donc, la différence majeure, c'est qu'ils ont une masse, contrairement aux photons. Tout à fait. Et que donc, puisqu'ils ont une masse, on peut mieux les diriger. Voilà, on peut les cibler. Et puis, non seulement ça permet de les cibler grâce à ce pic de Bragg, mais aussi ils vont avoir ce qu'on appelle une efficacité biologique relative, ou EBR, qui va être supérieure à celle des photons. On va pouvoir détailler un peu pourquoi. Et ce qui fait qu'ils vont être plus efficaces. Alors, c'est proportionnel à leur masse. Pour les protons, ça sera moins que pour les carbones, qui sont plus lourds, qui auront une efficacité biologique relative 2 à 3 fois supérieure aux photons, alors que les protons, on dit qu'elle est autour de 1,1-1,2. On va revenir sur cette EBR, sur cette efficacité biologique relative. J'aimerais qu'on revienne juste, qu'on comprenne bien, parce que si on a, une fois qu'on a bien intégré cette notion de pic de Bragg, ensuite tout devient très simple. Jacques Balossos, le pic de Bragg, c'est l'idée finalement que ces hadrons, quand on les envoie à travers un corps, alors donc à travers, mettons, des tissus, hein, mettons que j'ai par exemple une tumeur au cerveau, on va diriger ces hadrons, ils vont passer, et à un moment donné, en fait, ils vont, toute leur énergie va être déployée alors qu'ils en avaient très très peu avant, c'est ça? Oui, alors la différence absolument fondamentale entre la distribution de dose des rayons X et des hadrons qui nous intéressent, effectivement, c'est qu'il y a une masse, mais c'est parce qu'il y a une masse, on peut avoir une charge. Et ce sont des particules chargées. Parmi les hadrons, il y en a une qui n'est pas chargée, c'est les neutrons. Les neutrons se comportent comme les rayons X, parce qu'ils ne sont pas chargés. C'est le fait qu'il y ait une charge qui fait que l'interaction avec les tissus entraîne un freinage obligatoire, qui est minime lorsqu'ils sont très véloces, comme l'a dit Claire Rodriguez, à l'entrée des tissus. Et ce phénomène va entraîner un système, si vous voulez, un peu catastrophique. Plus une particule chargée se ralentit, plus elle peut transférer de l'énergie. Donc elle va se ralentir plus. Donc elle peut transférer plus d'énergie. Donc vous voyez un phénomène de cercle vicieux, si je puis dire, qui va faire que la particule va se ralentir et déposer de plus en plus d'énergie. Il y a un moment, il y a un phénomène de résonance qui se produit. Les tissus sont parfaitement en accord avec la capacité d'absorber le reste d'énergie. Et là, en quelques micromètres, la particule s'arrête avec un feu d'artifice d'ionisation. Et c'est ça qui est très destructeur. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de faisceau de sortie. Donc, le pic de Bragg, c'est ce phénomène-là, si vous voulez. Et donc, il faut le dompter. Et comme l'a dit le professeur Rodriguez, si on n'étale pas le pic de Bragg, on ne peut strictement rien en faire. Et l'étalement du pic de Bragg est une technique complexe qui a nécessité beaucoup d'approches. Et encore aujourd'hui, les techniques ne sont pas tout à fait parfaites et on continue à essayer de les améliorer. Donc ça, c'est pour la physique, si vous voulez. Alors, le fait qu'il y ait cette densité d'ionisation phénoménale en fin de parcours, ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais avec les particules neutres, les photons et les neutrons. Et du coup, ça produit une destruction. Tout à l'heure, je vous parlais des dégâts dans l'ADN. Ces dégâts sont produits par des grappes d'ionisation qu'on va dire relativement modestes. Là, on est à une autre échelle. On dépose pratiquement en fin de parcours presque 2000 fois plus d'énergie par micromètre qu'avec des rayons X. Donc les dégâts qu'on va occasionner à l'ADN des cellules sont d'une autre mesure. Et là, les cellules ne peuvent pas le réparer. Et c'est pour ça qu'on peut vaincre la radiorésistance de certaines tumeurs. Donc ça veut dire une extrême précision dans la dose qui est déposée à l'endroit de la tumeur, et puis surtout une beaucoup plus grande innocuité avant, c'est-à-dire dans toutes les cellules saines qui sont traversées, et surtout après, puisque après le pic de Bragg, toute l'énergie a été diffusée, et donc derrière, les cellules qui sont derrière ne sont quasiment pas touchées. Est-ce que je résume bien, Claire Rodriguez, la phrase? C'est tout à fait ça, oui. Le quasiment a beaucoup d'importance. Alors, oui, le quasiment, mais ça, on va y revenir, parce qu'on se rend compte que ça n'est peut-être effectivement pas tout à fait le cas. Mais bien, maintenant qu'on a la théorie, on va passer à la pratique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de l'hadronthérapie en compagnie de Jacques Balossos et de Claire Rodriguez Lafrasse. L'hadronthérapie, c'est donc cette nouvelle forme de radiothérapie extrêmement ciblée et qui permet, comme on vient de le voir, de diffuser une énergie très forte dans des tumeurs. Et on parle de l'hadronthérapie notamment pour les tumeurs dites résistantes. Alors, à quel type de tumeur s'attaque-t-on quand on utilise l'hadronthérapie, puisque, il faut bien le préciser, ça ne marche pas pour n'importe quel type de cellules cancéreuses? Claire Rodriguez Lafrasse. Alors déjà, pour les protons, on va s'intéresser essentiellement à des tumeurs qui sont proches d'organes sensibles, à risque, comme l'œil, comme la moelle épinière, comme le cerveau. Donc, ça sera des tumeurs cérébrales, ça sera des sarcomes, des chondrosarcomes. Et surtout, une des indications majeures, ce sont les tumeurs pédiatriques, puisque les enfants ont des tissus en cours de maturation radiosensibles, donc il est important d'épargner les tissus sains. Quant à la dronthérapie par ion carbone, là on va traiter plutôt des tumeurs radiorésistantes. Il y a vraiment un intérêt à se focaliser sur des tumeurs radiorésistantes qui sont hypoxiques, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais l'oxygène est un radiosensibilisant pour la radiothérapie conventionnelle, alors que les carbones sont suffisamment efficaces pour agir indépendamment de la présence d'oxygène. Alors rappelons que les cellules hypoxiques, c'est les cellules qui ont un faible taux d'oxygène. Voilà, comme en général au centre de la tumeur, les grosses tumeurs, il peut y avoir une zone dite hypoxique et voire une zone nécrotique. Donc des tumeurs qui sont également, bien sûr, proches d'organes à risque. Alors Jacques le détaillera, mais on va parler des chondrosarcomes, des chordomes, on va parler des gliomes. Alors dites-nous où ça se situe à peu près, parce que dans l'os, dans le rachis, dans le cerveau. Pour la plupart des indications. Un peu partout, en fait. Alors, ensuite, il y a des indications nouvelles. Par exemple, les équipes japonaises ont des très bons résultats sur le pancréas. Donc ça sera à suivre. J'ai vu que on en parlera plus tard des équipes japonaises. J'ai vu qu'elles utilisaient beaucoup la dronthérapie pour les cancers de la prostate. Également, aussi. Bien sûr. Alors, c'est un autre débat. Mais on y reviendra tout à l'heure. On va déjà expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Et puis ensuite, on élargira un peu. Qu'est-ce que c'est qu'une tumeur résistante à la radiothérapie, Jacques Balosso? Une tumeur résiste à la radiothérapie? C'est une question épineuse. On peut définir la radiorésistance de deux manières. D'abord, c'est une caractéristique relative. C'est radiorésistant parce que ce qui est autour est très radiosensible. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas apporter la dose qu'il faut à la tumeur sans avoir un effet trop délétère sur les tissus voisinants, et donc votre tumeur va résister parce que vous ne pouvez pas donner la dose qu'il faut. Ça, c'est une première définition. Et effectivement, la balistique est une bonne solution. La balistique, c'est la protonthérapie. On va revenir sur la différence, mais les protonthérapies, on parle plus d'efficacité balistique. Tout à fait. Donc c'est la manière de tirer, quoi. On est des artilleurs, en quelque sorte. Donc la balistique va être une réponse. Et puis vous avez des tumeurs qui ont une résistance intrinsèque qui est à peine imaginable. On peut donner dans certaines tumeurs des doses qui sont phénoménales, plus de 100 grays, et elles vont survivre et rechuter. Et donc là, il faut vraiment passer à un autre principe thérapeutique qui est celui de ces dépôts d'énergie extrêmement concentrés, de cette densité d'ionisation qui est tout à fait exceptionnelle que l'on peut utiliser. Via cette fois-ci les ions carbone plutôt. Via les ions lourds ou légers, comme vous voulez. En tout cas, ces noyaux qui sont polychargés et qui vont donner les phénomènes qu'on a décrits tout à l'heure. Voilà. Après, ces tumeurs peuvent se situer partout. Il faut noter une chose, c'est que dans la cancérologie telle qu'elle s'est établie depuis très longtemps, ces tumeurs radiorésistantes, parce que la radiothérapie a aussi 100 ans quand même, donc on a développé nos techniques en présence de cette radiorésistance sans pouvoir la gérer jusqu'à présent. Et donc, vous ne serez pas surpris de constater que la plupart des tumeurs radiorésistantes courantes sont tout simplement des indications chirurgicales. Les adénocarcinomes, d'une manière naturelle, sont assez radiorésistants. On les opère tous. Les adénocarcinomes, rappelez-nous ce que c'est. Ce sont des formes de cancer glandulaire. Le cancer du sein est un adénocarcinome, le cancer du rectum est un adénocarcinome. Donc ça, ce sont des indications chirurgicales, parce que nous ne savons pas guérir à faible dose, à coup sûr, ces tumeurs qui sont naturellement radiorésistantes. Alors, il y a pire que cela, et il y a un certain nombre de tumeurs assez rares, de croissance lente, qui sont capables d'envahir les tissus avoisinants très progressivement avec peu de symptômes, et quand elles sont découvertes, elles ne sont plus chirurgicales, on ne peut plus les opérer. Et pour celles-là, notamment les chordomes du sacrum par exemple, qui sont découverts extraordinairement tardivement chez les patients, il n'y a plus de possibilité de faire une exérèse. Et donc pour ces tumeurs... Une exérèse est donc retirée par chirurgie. Voilà. Et donc pour ces tumeurs-là, effectivement, la dronthérapie par ion carbone peut être une solution, doit être une solution. Mais vous voyez tout de suite qu'il y a un spectre particulier de tumeurs qui va être pris en compte. Alors, il y a un point qui est très important, c'est que vous avez des tumeurs qui essaiment leur environnement de cellules tumorales et qui nécessitent, quand on les traite par radiothérapie, qu'on irradie un grand volume. Et dans ce grand volume, il y a surtout des cellules saines. Ces tumeurs-là, on ne peut pas les traiter par adronthérapie parce que ces cellules saines qui sont mélangées intimement avec les cellules tumorales, elles vont avoir l'effet qu'on a décrit tout à l'heure et ce n'est pas supportable. Donc, une des limites de l'adronthérapie qui vient de son extrême précision, c'est le fait que vous devez avoir aussi une extrême définition de la tumeur. Et ça, c'est une des limites importantes. Une tumeur extrêmement envahissante, très très microscopiquement infiltrée dans les tissus peut être très difficile à appréhender par l'endothérapie parce qu'on ne sait pas la définir comme on doit pouvoir le faire à cause de cette précision. On va aller voir exactement comment ça se passe dans un laboratoire dans quelques instants. J'aimerais qu'on redonne une bonne... On vous venez de le faire l'un et l'autre, mais qu'on redise un peu clairement pour nos auditeurs la différence entre la protonthérapie et la carbonthérapie. Outre le fait qu'on a entendu à l'instant que la protonthérapie a un avantage balistique, c'est-à-dire qu'on peut viser très précisément, et que la carbonthérapie va avoir plus un avantage biologique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, c'est à peu près ça C'est tout à fait ça. Donc les protons, vous avez le ciblage, vous avez quand même une petite diffusion à l'intérieur des tissus des protons, plus que les carbones. Donc à la limite, on est peut-être un peu plus ciblé avec les carbones. Mais surtout, donc, la différence des carbones, ça sera pour les tumeurs hypoxiques à développement lent et des tumeurs radiorésistantes. Et les protons, donc, qu'on utilise beaucoup chez les enfants. Parce que la carbonthérapie, pour l'instant, n'est pas utilisée chez les enfants. Parce que justement, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que dans ce qu'on appelle la queue du pic de Brad, on va avoir des fragments, des ions carbone, et en particulier, on va avoir quelques neutrons qui sont potentiellement toxiques. Et on n'a pas assez de recul pour savoir chez les enfants s'il pourrait y avoir des cancers secondaires suite à la carbonthérapie. C'est ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu le pic d'énergie, il y a quelques neutrons qui peuvent aller se balader alentour et avoir, et on a encore, on en reparlera tout à l'heure. Par ailleurs, je tiens à vous préciser que ce fameux pic de Bragg, qui est très très important de comprendre, pour comprendre le mécanisme de la drontothérapie, on vient de vous mettre la photo, l'image sur le fil Twitter de l'émission. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Claire Rodriguez de Lafrac, Jacques Balosso, sur la différence entre proton et carbonthérapie. Oui, c'est une différence qui tient essentiellement à la densité d'ionisation, finalement. Les protons ont quand même une densité d'ionisation assez faible parce qu'ils sont, ils n'ont qu'une charge. Ils sont assez légers, somme toute, si on compare aux autres. Et donc, vous avez un continuum, en fait. Nous, on parle des protons et des carbones, mais vous avez un continuum entre ces deux extrêmes, et on peut aller au-delà des carbones. Et dans ce continuum, vous verrez progressivement l'efficacité augmenter parce que la densité d'ionisation augmente. Et si on s'est intéressé aux protons d'abord, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à accélérer. On peut fabriquer aujourd'hui un accélérateur de protons qui tiendrait sur cette table et qui permettrait d'irradier à 40 cm de profondeur, c'est-à-dire n'importe où dans un être humain. Voilà. On n'est pas capable de faire la même chose avec les carbones. On va revenir sur l'aspect technique dans quelques instants. Mais pour comprendre concrètement comment tout cela fonctionne, nous avons fait comme d'habitude à la méthode scientifique. Nous sommes allés voir de nos yeux le ventre de la bête. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Vous êtes rendu à Orsay au centre de protonthérapie de l'Institut Curie. Oui, et ce centre, il ne date pas d'hier puisqu'il est... Il a été ouvert en 1991 et avant de servir au traitement en oncologie, ces installations du centre, elles étaient utilisées pour des recherches en physique. Alors 26 ans plus tard, en 2017, ce sont plus de 650 personnes, aussi bien des adultes que des enfants, qui sont venus se faire soigner au centre de protonthérapie d'Orsay. Le traitement par protonthérapie qu'elles y ont reçu était essentiellement destiné à traiter des mélanomes de l'œil, mais aussi des tumeurs cérébrales. C'est le docteur Rémi Dandal qui m'a reçu, il est le responsable du centre. Il nous a fait faire la visite et nous explique comment il fonctionne. Il nous précise aussi les avantages de la protonthérapie et les améliorations que l'on peut attendre de cette technologie. La protonthérapie utilise un effet balistique particulier. Ce sont des particules avec un poids. Le fait qu'elles soient chargées permet de les orienter dans la physiologie du cyclotron jusque dans la salle de traitement. Et le poids va permettre un dépôt de dose à un endroit précis qui va être dépendant de l'énergie cinétique du proton. On va commencer par la partie la plus ancienne. La partie la plus ancienne sont deux salles qui ont été l'une mise en route en 91, l'autre en 96, et qui nous ont permis de 91 à 2010, date à laquelle la nouvelle installation a démarré, de pouvoir traiter bon nombre de patients sur l'œil et l'intracrânien, les tumeurs intracrâniennes. Vous avez une pupitre qui permet donc à deux manipulatrices, une technicienne, de à la fois lancer le traitement et de vérifier qu'un certain nombre de paramètres de physiologie sont... Donc là, sur les écrans de contrôle, on voit la patiente qui vient de recevoir un traitement par protonthérapie. Alors, quel type de patients sont traités et pour quel type de cancer ? Dans cette salle, c'est la salle qui est dédiée à l'irradiation des tumeurs ophtalmiques. Donc les patients sont traités en position assise face au faisceau. Expliquez-moi un petit peu l'installation de cet instrument de traitement par protonthérapie. On a une chaise, puis le faisceau, comment il est amené jusqu'à l'œil de la patiente? Le centre est construit comme ceci. Vous avez un cyclotron qui va accélérer des protons de manière importante et envoyer ces protons dans des lignes de faisceau vers les salles de traitement. À l'arrivée dans la salle de traitement, un petit peu en amont de la salle, il va être sculpté pour être adapté au patient et à sa tumeur. On va peut-être rentrer. Oui, très bien, allons-y. Le patient est assis sur cette chaise qui est sur 6 pieds, 6 degrés de liberté, extrêmement précise, avec une précision de placement qui est de 1 dixième de millimètre et 0,1 degré. On a ce faisceau qui arrive ici. Un collimateur va être placé devant le faisceau. Le patient sera assis face à l'appareil et il va regarder une petite lumière qui va orienter l'œil parfaitement dans la position choisie. On va faire des clichés de radiographie pour voir les clips posés sur la surface de l'œil. Et ces clips vont nous permettre de positionner à une précision inférieure au millimètre. Il y a deux caméras qui permettent de vérifier que le patient ne bouge pas pendant l'irradiation, puisqu'en fait, l'ensemble de l'équipe sort de la salle pour l'irradiation. Et on va demander au patient, à l'extérieur, par interphone, de fixer la petite lumière ici. Et on verra que son œil se remettra parfaitement en place par rapport au dessin qu'on aura fait sur le moniteur. Ce traitement est parfaitement indolore. Les séances sont pour chaque patient de 4 séances, nécessitant 2 séances de préparation. Donc au total, ils viennent 6 fois dans le centre. Toute cette pièce a été fabriquée maison. C'est ce qu'on appelle homemade, c'est-à-dire que toute l'installation a été fabriquée par les équipes ici. Alors là, on arrive dans une autre salle qui est un peu plus imposante, un peu plus grande, avec un autre type d'installation encore, cette fois pour des personnes qui sont censées, j'imagine, recevoir des soins allongés. Expliquez-moi un petit peu où là, on se trouve. Nous sommes aussi encore là dans une autre salle, une salle faite maison, avec un faisceau horizontal qui vient de l'accélérateur qui envoie le proton. Et cette salle est équipée d'un robot industriel qui a été adapté. Et ce robot peut prendre un lit ou une chaise en fonction de ce que l'on veut traiter. Pour chaque faisceau, on va utiliser des accessoires qui seront mis à la tête et donc à la tête de l'appareil et qui sont fabriqués maison. Puisqu'en fait, par patient, on va avoir un faisceau de traitement par jour, mais entre 4 et 9 faisceaux dans la totalité de leur traitement. Donc on fabrique 4 à 9 accessoires pour chaque patient. On entend là dans nos oreilles David Bowie qui chante, ça ne déplaira pas à Nicolas Martin qui lui-même est un fanatique. Alors du coup, expliquez-moi un petit peu la fonction de ce fond sonore. À la demande des patients, on met un fond de sonore qui est assez bas, de manière à ce qu'on puisse entendre éventuellement des bruits dans la salle, mais c'est à la demande des patients. Alors soit c'est de la musique qui est adaptée à ce que souhaite le patient, ou alors des histoires qu'on raconte aux enfants. Je vais vous montrer l'atelier. En fait, il y a deux façons de distribuer le faisceau. Il y a la technique passive, où là, le faisceau va être envoyé et va être sculpté à l'arrivée, juste avant d'entrer dans le patient. Et là, on utilise des collimateurs. Ces collimateurs sont en laiton et fabriqués maison et taille exacte de ce que l'on nous donne le logiciel de planification. Donc, on en fabrique un en ophtalmologie et de 4 à 9 pour tout ce qui est tumeur autre que ophtalmologique. Le logiciel de planification en radiothérapie qui définit la distribution de doses envoie des informations à cet atelier et ils sont fabriqués dans la journée ou la nuit et recontrôlés à plusieurs étapes ensuite. En termes de suivi de patients, comment est-ce qu'on mesure les effets bénéfiques du traitement et quel type d'examens de contrôle sont réalisés pour observer l'évolution de la tumeur? Comme la radiothérapie conventionnelle, on va évaluer la réponse tumorale et évaluer la toxicité. Celle-ci, elle va se faire pour l'ophtalmologie par un examen ophtalmologique très régulier. Et pour les autres localisations, exemple l'intracrânien, ce sera des rendez-vous alternés avec le médecin qui nous l'a adressé, souvent c'est le neurochirurgien, par surveillance par des IRM régulières. D'accord, donc là c'est l'installation la plus impressionnante quand même qu'on a vue depuis le début. Avec donc ce bras qui va tourner autour, pouvoir traiter donc avec différentes incidences. Et le fait d'avoir un robot qui va pouvoir positionner dans différentes positions, vous allez avoir un accès complet à tout le reste du corps et donc sans avoir des contraintes. La principale contrainte quand même, c'est qu'effectivement dans certaines parties du corps qui sont le thorax et l'abdomen. Nous avons des organes qui bougent. Donc pour ce type de localisation intrathoracique par exemple, nous sommes obligés d'utiliser un autre système qui permette au patient de contrôler sa respiration de manière à ce que l'organe ne bouge pas lorsqu'on envoie les rayons. Et donc on fait ce traitement en plusieurs étapes, c'est-à-dire on prend 15 secondes en 4 ou 5 fois. Quelles sont les pistes aujourd'hui envisagées pour améliorer les traitements par protonthérapie ? L'amélioration de la protonthérapie passe par une évolution, bien sûr, du matériel. Le matériel et la prise en charge utilisant l'informatique, utilisant l'imagerie, avaient un certain retard en protonthérapie, puisqu'initialement les structures n'étaient pas proposées par l'industriel. L'industriel s'approprie progressivement les techniques d'imagerie et informatique proposées sur le marché de manière à ce que la protonthérapie rattrape le retard qu'elle avait par rapport à la photothérapie, qui est extrêmement performante concernant l'imagerie. Et on le précise, mon lancement n'était pas très clair, que ce sont bien 650 personnes, un peu plus de 650 personnes, qui sont traitées chaque année au centre de protonthérapie d'Orsay. Merci beaucoup Antoine Beauchamp pour ce reportage. Une réaction de nos deux invités, Claire Rodriguez Lafrasse, à ce reportage. C'est tout à fait la vérité de ce qui se pratique dans les centres de protonthérapie. Donc, vous savez qu'il y a également un centre à Nice, le centre Antoine Lacassagne. Et puis récemment, depuis le mois de juillet, un nouveau centre à Caen. Jacques Balousseau. Écoutez, c'est un reportage qui est tout à fait intéressant, qui pose bien les problèmes, notamment évoqués par le docteur Dandal à la fin, les problèmes de repositionnement. Il faut savoir que l'essentiel du temps consacré à une séance de protonthérapie, d'adronthérapie en général, et même maintenant presque de rayon X, c'est de repositionner le patient. Et pour une technique précise, il faut un repositionnement précis. Et à part le crâne qui est assez rigide, beaucoup de choses bougent dans l'organisme, mais le repositionnement est un vrai problème. Il faut des techniques d'imagerie sophistiquées, il faut des techniques d'asservissement à la respiration. C'est un domaine très important de développement, et c'était important de le souligner. On a entendu un élément important dont on n'a pas encore parlé, et dont on parlera certainement dans la deuxième partie de cette émission, la notion de planification du traitement, la notion de planification logicielle qui est très importante, dans le sens où on a parlé beaucoup de physique, de biologie médicale. Il y a aussi vraiment une part informatique extrêmement importante dans l'accompagnement à ce type de traitement, Jacques Balousseau. Alors oui, vous avez raison, la radiothérapie, mais c'est vrai pour la médecine en général et la radiologie, n'aurait pas pu atteindre les développements actuels sans les calculateurs rapides et les informatiques. Et ce qu'on appelle un système de planification de traitement, dans notre jargon un TPS, Treatment Planning System, c'est un système informatique intégré qui a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est d'acquérir l'image du patient. On travaille sur un patient virtuel, tridimensionnel, constitué à partir d'un scanner. Il y a des outils d'imagerie très sophistiqués qui permettent au médecin de désigner les tissus sains qu'il veut épargner et dans lesquels il veut absolument connaître la dose et la cible, bien évidemment, de manière très sophistiquée, extrêmement précise. On fait des délinéations qui sont inframillimétriques. Une fois que la machine connaît ses volumes, eh bien, on va placer par des outils informatiques. C'est un petit peu de la conception assistée par ordinateur, finalement, comme en architecture ou en mécanique. Donc, on va placer des faisceaux et le logiciel va calculer la manière dont la dose va rentrer dans les tissus et aller jusqu'à la tumeur et va produire une cartographie de dose. Cette cartographie de dose va être ensuite analysée avec des outils statistiques qu'on appelle des doses volumistogrammes pour pouvoir vérifier que les tissus sains soient bien suffisamment protégés, parce qu'ils ont forcément une certaine dose, et que la tumeur reçoive bien dans son intégralité la dose que l'on veut. Il peut y avoir des cycles répétés d'ajustement pour améliorer le plan de traitement. Et une fois que tous ces éléments sont validés par le médecin, en collaboration avec le physicien et le dosimétriste qui a fait le projet thérapeutique, eh bien, des milliers de paramètres vont être injectés dans la machine de traitement et le traitement seulement va pouvoir se faire. Donc, vous voyez que le système de planification, c'est vraiment le système nerveux central d'un centre de radiothérapie. On a besoin de ces outils qui sont très sophistiqués, qui sont très onéreux aussi. Et qu'on utilise tous les jours. On va reparler du prix dans un instant. Un dernier mot pour conclure cette première partie, Claire Rodriguez Lafrasse. On entendait Antoine Beauchamp nous dire que 650 personnes traitées par an au centre de l'Institut Curie à Orsay. Aujourd'hui, l'adronthérapie au sens large, proton et carbone thérapie, ça concerne combien de personnes par an dans le monde? Un ordre de grandeur pour qu'on se rende compte que c'est quand même très très limité par rapport à la quantité de cancers qui sont développés chaque année. On a évalué en France que parmi les indications de radiothérapie, 12% pourraient correspondre à des indications de protonthérapie. Pourraient, c'est important. Hein, voilà, pourrait. Et 5% pourraient être des indications de carbonthérapie. D'accord. Ça, c'est des chiffres potentiels, mais la quantité de personnes traitées effectivement... Alors, sur le plan mondial, on traite à peu près 10 000 patients par an en protonthérapie. Ce chiffre est en croissance exponentielle parce que le nombre de centres augmente très vite. Il y a à peu près 70 centres qui fonctionnent dans le monde et ça augmente encore très rapidement. Et sur le plan de la carbonthérapie, on a à peu près, je pense, à peu près 5 000 patients par an qui sont peut-être traités, peut-être un peu moins, en carbonthérapie. Donc, il y a une grande différence. Aujourd'hui, la cohorte des patients traités par protonthérapie, depuis les débuts de la technique, est supérieure à 150 000 à peu près. Mmh. Et en carbonthérapie, on a une cohorte qui est de l'ordre de 25 000 à peu près. Donc ça fait quand même une différence assez importante, mais vous voyez que... C'est très pays dépendant. Le Japon, qui a 6 centres, va, pour 126 millions d'habitants, va en proportion traiter beaucoup plus de patients par carbonthérapie. I done too much of some things and not enough of others, just like old life lovers. Well, I changed and changed and changed and changed from one thing to another. I've had complicated dealings with complicated feelings, and I've cut and bruised and torn. I made blinds on the windows of my mind with the time that my back once wore. Well, I'm a single person in this universe, and I am here to say to you, on the day that I die, I'll just give a smile and fly into the blue. 'Cause we're all just protons, neutrons, electrons that rest on a Sunday, work on a Monday, and someday soon we'll be singing the old tune. Zippity-doo-da, zippity-doo. Some nights I see the world with its winds and its whirls, and I feel undefeated. But every day I see the girl with the strawberry curl, and I'm too shy to meet her. Some nights I go to bed, there's a ghost in the air above my head, and I tremble. Sometimes I eat KFC, other times I give up meat, and I just eat lentils. I'm a single soul on this big blue ball, and I am here to sing a song about the day that I was born till the day that I'll be gone. Protons, neutrons, électrons de Cat Empire à 16h40 sur France Culture, puisque nous parlons notamment de protons, de neutrons aussi, un peu bref, nous parlons d'adronthérapie tout au long de cette heure en compagnie de Jacques Balosso, qui est radiothérapeute, professeur à l'université de Grenoble, détaché à Caen, et nous, notamment pour parler de ce fameux programme Arcade dont vous nous parlerez tout à l'heure, et Claire Rodriguez Lafras, professeur des universités et praticienne hospitalière en biochimie, biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lyon Sud. Mais tout de suite à 16h40, donc c'est l'heure de la recherche montre en main. Voilà, nouvel horaire pour notre rendez-vous du mercredi avec l'avenir de la recherche scientifique mondiale. Et oui, rien de moins, une doctorante en l'occurrence aujourd'hui qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Bonjour Pauline Maury. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Bienvenue donc à la recherche montre en main. C'est à vous. Merci. Alors, effectivement, l'équipe de recherche de l'ISMO, dans laquelle j'effectue ma thèse sous la direction de Sandrine Lacombe et Erika Porcel, regroupe des chimistes, des biologistes et des physiciens médicaux. Et nous travaillons ensemble sur le développement de traitements innovants contre le cancer. Donc, nous nous intéressons particulièrement aux traitements qui utilisent des sources de rayonnement, mais aussi à tout ce qui a trait à la nanomédecine, c'est-à-dire à l'utilisation à des fins médicales de petits objets de taille nanométrique que l'on appelle les nanoparticules.

des tissus à protéger qui sont dans la tumeur. Et là, si on n'est pas capable d'augmenter l'effet différentiel comme vous l'avez décrit, eh bien, on est limité aujourd'hui. Donc, c'est une voie de recherche qui est indispensable et qui, je dois le dire, répond à une démarche qui existe depuis les débuts de la radiothérapie et même avant les débuts de la chimiothérapie, qui est de combiner un traitement chimique à un traitement de radiothérapie pour améliorer le traitement de radiothérapie. Ça a toujours existé. La chimio-radiothérapie aujourd'hui est un standard pour beaucoup de tumeurs et l'utilisation des nanoparticules est simplement, mais avec beaucoup de promesses, un nouveau chapitre dans ce domaine et on pense que ce sera très, très, très utile. Claire Rodriguez Lafrasse, sur ces pistes de recherche. Je voudrais réagir sur deux points d'intervention de Pauline. Déjà, elle a prononcé le nom de multidisciplinaire. Ça, c'est très important. Et dans nos travaux, on est forcément associé à des physiciens médicaux, des cliniciens et des biologistes. Moi, personnellement, je suis rattachée à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, ce qui montre bien cette interaction. Concernant les nanoparticules, c'est bien sûr un domaine de recherche en plein essor en France, en cancérologie, associée à la radiothérapie, puisqu'on peut imaginer que le ciblage ne va plus faire beaucoup de progrès. Par contre, il faut augmenter la dose locale, c'est-à-dire diminuer la dose de rayonnement et augmenter la dose à l'intérieur de la tumeur. Et ça, on a beaucoup d'espoir concernant les nanoparticules radiosensibilisantes. D'ailleurs, un premier essai sur les nanoparticules de gadolinium qui ont été développés à Lyon, testés dans nos laboratoires sur différents modèles, vient de se terminer dans le service du professeur Jacques Balosso sur des métastases cérébrales avec des résultats tout à fait intéressants. Donc c'est une voie d'avenir certaine. Alors on va parler aussi un peu de la géopolitique entre guillemets, si vous m'autorisez cette expression, de la drone-thérapie, puisqu'on a entendu Pauline Maury, vous restez avec nous, évidemment, vous intervenez quand vous voulez jusqu'à la fin de cette émission. On a entendu que vous travaillez en partenariat avec le Japon. On a prononcé beaucoup de fois le nom de ce pays dans la recherche en drone-thérapie. On va y revenir. J'aimerais juste qu'on dise un petit mot sur quelque chose qui a été très rapidement abordé en première partie, parce que là on décrit effectivement des résultats très prometteurs, un peu une nouvelle technique comme toujours qui peut paraître à premier abord une technique miracle. Il reste un certain nombre de questions, évidemment, on en est encore au stade de la recherche et fondamentale, comme vous venez de l'expliquer Pauline Maury, mais même de la recherche clinique. Aujourd'hui, on parle des tissus derrière, en carbone thérapie, des tissus derrière la tumeur. Et tout à l'heure, vous évoquiez, Claire Rodriguez Lafrasse, la question de la fragmentation des ions carbone. Et ça, c'est pour le moment encore une vraie zone d'ombre, de la carbone thérapie. Oui, tout à fait. Mais si l'on compare le nombre d'ions carbone qui vont toucher la tumeur ou les cellules par rapport aux protons, c'est 1000 fois moins, je crois. Donc, il ne faut pas non plus être obnubilé par cette question. C'est à tenir. C'est juste parce que c'est l'une des pistes de recherche. Voilà. Et il faut qu'il y ait des pistes de recherche sur ces travaux. Alors, cette fragmentation a été une épine dans le pied, jusqu'à ce que les gens comprennent que ce phénomène nucléaire, au sens propre du terme, produit des rayonnements secondaires qui permettent d'imager la zone que l'on irradie. Et ça, c'est un immense domaine de recherche parce que, pour le contrôle de qualité de la nanothérapie, nous n'avons pas de faisceau sortant. Donc on peut contrairement à la radiothérapie classique, traverse, là comme il y a ce pic... Il n'y a pas de faisceau sortant. Donc on a beaucoup de mal à prouver en temps réel qu'on est au bon endroit. Et ces rayonnements secondaires sont une piste de travail. Alors on ne va pas le développer parce qu'il y en aurait pour des heures, mais c'est une piste de travail très riche de construction, d'instrumentation innovante de l'imagerie de cette zone. Jacques Balosso, vos équipes avaient également lancé une étude en décembre dernier pour évaluer rigoureusement la supériorité de la drone-thérapie sur la radiothérapie classique, qui reste aussi à prouver, ces rapports importants, alors pas sur l'effet placebo, mais sur les médicaments précédents. L'effet placebo, on va pas en parler pour cette question de la drone-thérapie, mais tout de même, il faut réussir aujourd'hui à aligner des chiffres. Oui, alors ça c'est un point absolument fondamental. Si les gens doivent partir avec trois messages, ça c'en est un des trois. On a besoin de faire une recherche clinique de qualité très approfondie, qui malheureusement n'a pas été faite à ce jour. Et nos autorités sanitaires sont dans un énorme embarras quand on leur parle d'adonthérapie, parce qu'elles n'ont pas la preuve que dans le contexte des techniques thérapeutiques d'aujourd'hui, elles fassent mieux à court terme, mais aussi à long terme, en termes d'innocuité, de qualité de vie, etc. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas prouvé avec des méthodes scientifique, absolument rigoureuse comme les essais cliniques prospectifs, contrôlés et éventuellement randomisés, eh bien on n'aura pas cette preuve qui permet d'emporter la conviction des décideurs. Et c'est une des raisons majeures du retard du déploiement de ces techniques en Europe, contrairement au Japon, où on s'est passé de cette étape, mais qui pose quand même problème. Aujourd'hui au Japon, ces techniques ne sont pas remboursées par les assurances parce qu'il n'y a pas cette preuve. Donc c'est un vrai problème. Venons-en donc à cette fameuse géopolitique. On a entendu tout à l'heure un reportage en France sur la protonthérapie. Aujourd'hui, pour la carbonthérapie, il n'y a pas de centre en France. Il y a deux centres en Allemagne, il y en a en Autriche, en Italie. Est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, pendant le reportage, on en parlait hors micro, Jacques Balosso disait, au début, sur la protonthérapie, on était en avance, on était leader sur ce secteur. Aujourd'hui, la France est plutôt à la traîne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Vous venez de donner quelques éléments de réponse sur le Japon, mais on pourrait parler des États-Unis aussi, qui ont énormément de centres et qui ont beaucoup développé ces techniques-là. Que s'est-il passé en France et en Europe, Jacques Balosso? Alors bon, c'est une histoire compliquée, on va essayer de la rendre le plus simple possible. En France, on a eu très tôt de la protonthérapie parce qu'il y a eu des projets locaux extrêmement ambitieux, celui donc qui est devenu celui de l'Institut Curie, mais qui était au départ un syndicat interhospitalier qui regroupait plusieurs hôpitaux, autour d'un instrument, ça a été très bien dit tout à l'heure par le docteur Dandal, d'un instrument qui existait déjà et qui a été médicalisé. Donc il y a eu un investissement assez modéré. Nice a eu une autre aventure, il y a eu un vrai choix de construire un cyclotron pour faire à l'époque de la neutrothérapie, et c'est devenu de la protonthérapie. Donc vous voyez, c'est des situations un peu spéciales, mais qui ont fait que effectivement on a été relativement pionniers. Et je le disais tout à l'heure, à un moment, il y a encore quelques années, 10% des patients traités dans le monde par protonthérapie l'avaient été en France, ce qui est quand même remarquable vu la taille de la France dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose, parce que l'effort des industriels pour multiplier les centres de protonthérapie dans tous les pays développés où des patients peuvent payer ces traitements assez chers est conséquent. Et il y a actuellement 70 centres ouverts dans le monde. Il y en a à peu près autant qui sont en projet. Donc c'est aussi, je dirais, un bon business de ce point de vue-là. Alors, sur le plan de la carbonthérapie, il y a eu des projets en France, comme vous le savez sans doute, depuis les années 90, qui ont échoué. Notamment le projet Étoile, et puis aussi un projet à Caen qui s'appelait Asclépios, essentiellement à cause de ce problème de manque de preuves cliniques irréfutables permettant une décision dans un contexte qui est complexe en France, d'autorité de santé, de remboursement universel, etc. Et d'investissement dans la lutte contre le cancer, parce qu'il faut aussi préciser ici que ce sont des investissements très lourds, la protonthérapie d'une part, mais la carbonthérapie encore plus en termes financiers. Alors c'est vrai, mais... Vous pouvez nous donner un ordre de grandeur. Tout à fait. Vous avez prononcé le bon mot, c'est un investissement. Et un investissement, lorsque vous avez un équipement qui dure longtemps, un centre d'adrenothérapie, ça peut fonctionner pendant 30 ans. L'investissement, à la fin, il est léger. Donc, c'est pas tellement le problème de l'investissement, c'est le problème du coût de fonctionnement. C'est des techniques sophistiquées, complexes, qui nécessitent du temps, beaucoup de personnel, et ça coûte cher. Et aujourd'hui, un traitement par adrenothérapie coûte grossièrement 10 fois plus cher qu'un traitement de radiothérapie standard. Alors, l'investissement pour construire un centre, ça va de 150 millions d'euros à 350 millions d'euros. Le centre autrichien, par exemple, qui est un assez grand centre, va coûter 200 millions d'euros. Le centre allemand a coûté à peu près 110 millions d'euros, mais il est dans un CHU où il dispose aussi d'équipements qu'il n'a pas eu besoin de dupliquer. Donc, c'est un investissement. Après, on peut le juger à l'aune de ce qu'on veut. Un stade de football coûte le même prix. Donc, ce n'est pas le problème de l'investissement. C'est le problème du fonctionnement et du poids que peut représenter ce fonctionnement en termes de remboursement. Et là, on a besoin d'avoir plus de convictions cliniques. On ne les a pas. Et d'où les essais dont vous parliez tout à l'heure, je pourrais donner un détail là-dessus. Et d'autre part, évidemment, eh bien, de coûts pour la sécurité sociale qui ne peut pas, payer à livre ouvert sans avoir des preuves. Donc ça, c'est un point important. Claire Rodriguez-Lafras, est-ce qu'il y a aussi dans la lutte de pointe, dans la recherche fondamentale, dans la lutte contre le cancer, une concurrence entre les différentes branches? On sait que la France, par exemple, est très en pointe en immunothérapie. Est-ce que l'adronthérapie a souffert justement de choix stratégiques qui font que l'immunothérapie a pu être privilégiée? Bien sûr, c'est une recherche difficile parce qu'il faut avoir accès au centre qui possède les faisceaux. Donc, ce qui veut dire que mon équipe qui travaille sur la réponse tumorale aux ions carbone est obligé d'aller travailler soit à Caen, sur le faisceau physique, sur le synchrotron, soit au Japon. Ce sont des manips très lourdes où on part pour plusieurs jours et on travaille jour et nuit. Il y a toute l'infrastructure qui va avec. Et donc, puisque on est essentiellement jugé sur les publications, l'impact des publications, c'est excessivement difficile d'avoir une recherche compétitive. Donc, il n'y a pas tant d'équipes de recherche que ça en France qui s'intéressent aux ions. Et c'est dommage. Pauline Maury, oui. Oui, c'est exactement la même chose pour nous. Nous faisons nos manips au Japon pour les mêmes raisons exactement. Et quand on a accès, quand on peut avoir accès à des accélérateurs de particules qui ne sont pas dans un environnement médical, évidemment, ils servent aussi à d'autres types de recherches. Et les temps de recherche, oui. Les temps d'accès sont finalement des temps relativement courts, ce qui augmente encore les temps de publication pour pouvoir avoir des résultats significatifs. Un mot tout de même pour conclure, on arrive dans les dernières minutes de cette émission, Jacques Balosso, de France Hadron. France Hadron, vous l'avez fondé, vous travaillez tous les deux, Claire Rodriguez-Lafras, au sein de ce rassemblement, de ce regroupement. Je ne sais pas très bien. Expliquez-nous un peu justement comment, si la France a les moyens aujourd'hui de combler un peu son retard dans ce domaine de recherche. Alors, je pense que, bon, il ne faut pas non plus dramatiser les choses. Il n'y a que 4 pays dans le monde qui sont équipés et on sera peut-être le 5e, donc on ne va pas pleurer. En carbone thérapie, rappelons que nous sommes équipés en proton thérapie. Donc, on n'est pas à la traîne, mais c'est vrai qu'on aurait pu être dans les tout premiers leaders et que ce n'est pas le cas. En revanche, en termes d'activité scientifique, je pense qu'on est quand même bien placé. Nous sommes les troisièmes après les Japonais, les Allemands en termes de publication et notamment la qualité des travaux qui sont menés dans le laboratoire de Claire Rodriguez en radiobiologie sont de premier plan au niveau mondial. Donc là, je pense qu'on n'a pas à rougir. Alors, France Hadron, c'était quoi? Eh bien, si vous voulez, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est un sujet absolument passionnant, la dronthérapie. Et beaucoup de laboratoires ont souhaité s'impliquer dans cette recherche avec toujours le risque, s'ils sont isolés, d'être concurrents, d'avoir des travaux redondants et de ne pas être synergiques. Donc l'objectif de France Hadron, c'est de faire une collaboration nationale et on rassemble environ 26 à 30 équipes qui ont des intérêts dans cette recherche et qu'on s'est efforcé de coordonner pour qu'il y ait une synergie, un programme de recherche partagé, commun, et dans lequel s'inclut, par exemple, le projet Arcade de Caen, les projets aussi à Lyon et le dans d'autres villes de France. Caen, vous pouvez nous en dire un mot, justement. Alors, le projet Arcade de Caen est un projet qui vise à développer en Normandie une recherche d'avant-garde dans ce domaine, comme je l'ai dit tout à l'heure pour ce que l'on fait ailleurs en France, mais autour d'un instrument destiné à compenser ce manque d'accès faisceau, qui est le centre Cyclades, qui offre actuellement le troisième lieu de traitement des patients par protonthérapie en France, mais qui devrait, d'ici 2023, offrir aussi un faisceau de d'ions carbone, mais d'autres ions, dont 50% du temps sera consacré à la recherche et, si possible, avec un accès facilité. Donc, le projet vise à la fois à s'intégrer dans la recherche française, d'avoir localement une activité de recherche importante et de pointe, et de rendre accessible ceci dans un centre qui est le centre Cyclades. Plus un projet industriel, puisque ce centre aura un nouvel appareil qui s'appelle le C400, qui est un appareil innovant et qui sera fabriqué sur place. Donc, il y a aussi un projet industriel derrière ça. Donc, c'est quelque chose qui peut remettre la France à l'avant-garde. Claire Rodriguez-Lafras, le mot de la fin. Eh bien, nous n'avons pas eu le temps de parler des mécanismes par lesquels ces ions carbone sont si efficaces et j'aimerais donner une image que j'aime beaucoup. Ces ions carbone sont comme des avions furtifs qui passent toutes les lignes de défense et qui chirurgicalement vont venir détruire l'ADN et ce qui empêche la cellule de se défendre, de réagir et par exemple d'induire des métastases ou d'induire la vascularisation tumorale. Donc c'est dans ce sens qu'il faut poursuivre les recherches. Eh bien, on poursuit ces recherches militarisées contre le cancer. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Pauline Maury, merci Claire Rodriguez-Lafras, merci Jacques Balosso d'être venu nous parler de l'hadronthérapie. Je précise que les idées claires ont repris depuis le début de l'année et la semaine dernière justement nous proposions un numéro sur la question du vaccin universel contre le cancer. Faut-il l'attendre ou pas? La réponse est vraisemblablement plutôt pas. Et hier, nouveau numéro sur le 11 septembre. Le 11 septembre, sont-ils le fruit d'un complot? La réponse est vraisemblablement pas non plus. Vous pouvez retrouver ça sur le site de franceculture.fr à la page Les idées claires. Merci. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Tom Humdenstock, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. En un mot, demain, on va parler des erreurs scientifiques pour notre jeudi histoire. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.